Bien, on va aborder aujourd'hui l'évangile proprement dit, et j'aimerais que nous nous arrêtions d'abord sur les origines du ministère de Jésus, telles qu'ils nous sont rapportées donc dans l'évangile de Matthieu, bien sûr, et nous lirons au chapitre 3, à partir du verset 13, jusqu'au chapitre 4, verset 4. Alors Jésus vint de la Galilée au Jourdain vers Jean pour être baptisé par lui. Mais Jean s'y opposait en disant, « C'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi, et c'est toi qui viens à moi. » Jésus répondit, « Laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ainsi toute justice. » Alors Jean le laissa faire. Aussitôt baptisé, Jésus sortit de l'eau, et voici les cieux s'ouvrir. Il vit descendre l'Esprit de Dieu comme une colombe et venir sur lui. Et voici qu'une voix fit entendre des cieux ses paroles, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » Alors Jésus fut emmené, bon ça c'est une traduction élégante, mais le terme grec littéralement dit fut jeté par l'esprit dans le désert. Nous verrons justement tout à l'heure l'importance de cette expression pour être tenté par le diable. Il jeûna pendant 40 jours et 40 nuits, puis il eut faim. Le tentateur s'approcha et lui dit, si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. Jésus répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Le diable le transporta dans la ville sainte, le plaça sur le haut du temple, et il lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, et ils te porteront sur des mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. » Jésus lui dit, « Il est aussi écrit, tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. » Le diable le transporta encore sur une montagne très haute, il lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire, et lui dit, je te donnerai tout cela si tu te prosternes et m'adores. Jésus lui dit, retire-toi de moi, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu, et à lui seul tu rendras un culte. Alors le diable le laissa, et voici que des anges s'approchèrent de Jésus pour le servir. Le début du ministère de Jésus est directement lié au ministère de Jean-Baptiste, par lequel commencent tous les évangiles. Jean était un personnage qui nous est connu par les sources extérieures à la Bible, et notamment par l'historien juif Flavius Joseph, qui nous dit que donc, en ce temps-là, parut en quelque sorte un prophète qui a inauguré, selon ce que nous dit Flavius Joseph, un mouvement messianique extrêmement puissant, tellement puissant qu'il a fini par inquiéter les Romains et leur marionnette, qui était en particulier un des descendants d'Hérode Antipas, qui finalement, comme on le sait, le fera mettre à mort. Jean-Baptiste est un personnage très important qui est associé d'une manière très étroite par les évangiles au ministère de Jésus, parce qu'il est considéré comme le précurseur dont il est question dans le livre de Malachie, où il nous est dit, voici j'envoie mon messager devant eux et il préparera le chemin devant moi. Il y a un autre texte aussi sur lequel nous aurons l'occasion de revenir, nous aurons l'occasion de reparler de Jean-Baptiste. Dans le chapitre 2 du livre de Michée, il est aussi question de celui qui marche devant et qui fait la brèche, et donc le troupeau passe conduit par son roi. Jean-Baptiste était quelqu'un qui a marqué un tournant décisif dans l'histoire du peuple d'Israël, dans la mesure où, depuis justement le prophète Malachie, on considérait dans le judaïsme de son temps que l'Esprit Saint avait été retiré d'Israël, en ce sens que la voix prophétique s'était tue. Et depuis Malachie, le dernier des prophètes, aucun autre prophète n'avait surgi dans un temps que la tradition juive appelle le temps du silence de Dieu, un silence qui va durer plus de 4 siècles. Ce silence, on l'appelle aussi à différentes manières de l'exprimer dans la tradition juive, c'est aussi le temps de la fermeture du ciel. Le ciel est fermé et la voix prophétique ne descend plus. Mais on a cette certitude, cette assurance, que quand viendra le temps de l'apparition du Messie, le ciel s'ouvrira et le Saint-Esprit qui a été retiré au ciel, eh bien, reviendra. Selon qu'il est écrit dans le livre du prophète Ésaïe, « Oh, si tu déchirais les cieux et si tu descendais !» Donc on attend ce temps de l'ouverture du ciel. L'ouverture du ciel. Et c'est un temps évidemment extrêmement critique que ce temps du silence de Dieu, parce que de fait, il n'y a plus de voix prophétique pour faire connaître la volonté de Dieu et pour conduire par conséquent les destinées du peuple. Et c'est le temps où les sages succèdent aux prophètes, selon qu'il est écrit toujours dans le livre du prophète Malachie, je vous enverrai Élie le prophète, donc comme dira Jésus beaucoup plus tard, Jean-Baptiste et l'Élie qui devait venir. Et en attendant cette venue du prophète eschatologique, eh bien, vous n'aurez pour vous conduire que la Torah de Moïse. Souvenez-vous de la Torah que mon serviteur Moïse vous a donnée à Horeb, les lois et les préceptes. Ça veut dire que, en attendant ce temps où à nouveau la foi prophétique se fera entendre, eh bien, pour connaître la volonté de Dieu, pour connaître la direction de Dieu dans les différentes circonstances de votre vie et de votre histoire, eh bien, il faudra sonder les Écritures. C'est la raison pour laquelle, comme je disais tout à l'heure, aux prophètes vont succéder les sages. Les sages, le premier, c'est Ezra, celui qui a rapporté la Torah de Babylonie, qui en fait la lecture publique et qui fait en sorte que cette Torah devient, on pourrait dire, en employant un anachronisme, la constitution du nouvel État d'Israël qui naît à ce moment-là. Constitution, évidemment, c'est un mot qui n'existait pas à cette période-là. Mais disons, la Torah va être le fondement de l'existence de la nouvelle communauté qui revient de l'exil de Babylone. Et Ezra, selon la tradition, va créer un collège de 120 sages, de gens qui vont être à même d'interpréter cette Torah. Et on va donc demander aux sages, comme on demandait aux prophètes, la direction de Dieu. Et ces 120 sages vont constituer ce que l'on appelle la Knesset Agdola. Alors on traduit ça en général par la grande synagogue, qui va être l'instance suprême de la direction du peuple d'Israël dans toute cette période-là. Il est intéressant de noter que lorsque le nouvel État d'Israël a été créé il y a 70 ans, donc en 1948, on a établi donc un parlement, le parlement israélien, auquel on a donné ce nom, la Knesset. Ça vient de cette expression Knesset Agdola, qui a été donc créée par Ezra le scribe. Et de la même manière qu'il y avait 120 membres dans la Knesset qui a été créée par Ezra, il y a aujourd'hui 120 députés dans la Knesset du nouvel État d'Israël qui a repris donc cette tradition-là. Et donc, on vivait dans cette attente du prophète eschatologique. Et cette attente du prophète eschatologique, elle est particulièrement vive à Qumran. À Qumran, où on attend deux personnages messianiques, le roi, fils de David, le Messie, et puis finalement un Messie aaronide, ou plutôt un personnage aaronide, qui serait donc le prêtre eschatologique et éventuellement le prophète eschatologique, un prophète qui serait associé avec le ministère du Messie lui-même, du fils de David. Et cette idéologie de cette attente du prophète eschatologique et par conséquent du retour de l'esprit au temps de la fin était quelque chose qui était très répandu dans l'espérance du peuple d'Israël, telle qu'on le voit notamment dans toute la littérature qu'on appelle la littérature des livres d'Enoch, qui nous indique ce qu'était cette atmosphère d'attente messianique qui existait en Israël à cette période-là et qui est résumée dans l'évangile de Luc en particulier de cette manière, comme tout le peuple était dans l'attente. Donc il y avait cette attente messianique et du prophète messianique. Et c'est alors que surgit donc Jean-Baptiste, Jean, Yohanan, Amadbil, le baptiseur, qui lui-même est un prêtre. Alors, on a beaucoup épilogué pour savoir s'il y avait une relation entre Jean-Baptiste et les Esséniens. Il y a en effet un certain nombre de points communs entre Jean-Baptiste et les Esséniens, ne serait-ce que le fait que Jean-Baptiste, comme les Esséniens, s'était retiré dans le désert de Juda. Il y a de fortes chances, évidemment, que dans ce petit état d'Israël, de ce petit désert, Jean ait eu des contacts avec les Esséniens. Néanmoins, Jean n'a jamais été un Essénien. Et très vite, il s'est séparé des Esséniens, si tant est qu'il s'il soit jamais associé à eux, parce que les Esséniens étaient des gens qui avaient une vision dualiste de destinées humaines. Ça veut dire qu'ils étaient déterministes, comme le sera plus tard l'islam, et certaines recherches modernes semblent montrer que le déterminisme mektoub des Arabes et des musulmans est directement inspiré justement par le dualisme qu'il y avait à Qumran. Ça veut dire, Dieu a tout prédestiné d'avance. Dieu a tout déterminé d'avance. Et rien n'arrive sans que Dieu l'ait voulu, sans que Dieu l'ait déterminé. Dieu a connu de toute éternité ceux qui étaient destinés au salut et ceux qui étaient destinés à la perdition. Ceux qui sont destinés au salut, ce sont les fils de la lumière, c'est-à-dire les membres de la secte, les Esséniens. Ceux qui sont déterminés et qui sont prédestinés à la perdition, ce sont tous les autres que l'on appelle les fils des ténèbres. Et finalement, ça ne dépend que de l'élection de Dieu. Dieu a élu, dans sa préscience, dans sa totale liberté, et sans qu'il soit nécessaire de donner la moindre raison, la moindre explication pour cela, Dieu a choisi de toute éternité les élus. Alors si vous êtes un élu, tant mieux pour vous, et vous le serez, quoi qu'il arrive. Mais si vous n'avez pas cette chance d'être des élus de Dieu, eh bien, tant pis pour vous. Vous aurez beau faire, vous ne deviendrez jamais un élu. Et vous aurez beau respecter la Torah, vivre une vie sainte, vous repentir, etc., eh bien, vous serez perdu pour l'éternité parce que Dieu l'a déterminé comme ça. Ça, c'était une doctrine qui était contraire à celle des pharisiens. Les pharisiens insistaient sur la liberté de l'homme et sur, bien qu'ils croyaient à une certaine prédestination, mais en tout cas jamais autant que celle qu'on trouve chez les Esséniens. Et c'est en cela que Jean-Baptiste se séparait d'eux. Jean-Baptiste était un homme qui considérait que sa mission était, comme le dit le prophète Malachi, de ramener le peuple d'Israël à Dieu pour préparer la venue du Messie. Jean était un personnage charismatique, était un prophète, et il était considéré comme un prophète. Or, pendant 400 ans, il n'y avait plus eu de prophète, nous l'avons vu tout à l'heure. Et l'émergence d'un prophète qui va avoir un impact sur le peuple d'Israël tout entier va être évidemment considéré par le peuple d'Israël comme un signe messianique. C'est le retour de l'Esprit. L'Esprit qui a été enlevé au ciel est enfin revenu. C'est le temps de l'ouverture du ciel et c'est par conséquent le temps de la rédemption et la venue du Messie est donc imminente. Et l'un des messages de Jean-Baptiste, on le sait, était effectivement d'annoncer que cette venue du Messie était imminente. Il vient, celui qui est plus puissant que moi, je ne suis pas digne de désirer la courroie de ses souliers, il vient, c'est un des noms du Messie, en hébreu, Abba, c'est tiré du psaume 118, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Donc il vient, le Messie. Il fallait donc préparer le peuple d'Israël à cette venue du Messie. Et la préparation du peuple d'Israël était de ramener le cœur du peuple à Dieu par une notion qui est centrale dans le judaïsme jusqu'à nos jours, la notion de la repentance. La repentance, c'est quoi? C'est, en hébreu, ça se dit tshuva. Ça veut dire littéralement le retour à Dieu. Le peuple d'Israël doit revenir à Dieu et, ce faisant, abandonner ses péchés, se détourner de ses mauvaises voies et pratiquer la justice telle qu'elle est définie dans la Torah. Jean était quelqu'un qui était manifestement très attaché à la Torah, et ce faisant donc, il invitait aussi le peuple à cette démarche d'un retour à Dieu. La repentance était au centre du message des prophètes de l'Écriture, et en prêchant la repentance, Jean ne faisait que de se situer dans la perspective qui était celle justement des prophètes qui l'avaient précédé. Et cet appel à la repentance, Jean associait un rite qui va faire la fortune de son ministère, le baptême. Le baptême n'est pas une innovation de Jean, ce n'est pas Jean qui l'a inventé. Le baptême, Dvila en hébreu, qui signifie littéralement une immersion, vient du livre du Lévitique, où sont définis un certain nombre de cas où un homme et une femme peuvent contracter des impuretés rituelles. Les impuretés rituelles n'ont rien à voir avec le péché. Elles ont à voir avec des souillures qui empêchent l'homme qui en est atteint, ou la femme qui en est atteinte, de s'approcher de Dieu, et notamment dans le sanctuaire de Dieu, ça veut dire entrer dans le temple. On ne peut pas entrer dans le temple dans un état d'impureté rituelle. On ne peut pas s'approcher de la tente de la rencontre du tabernacle qui se trouve dans le désert en état d'impureté rituelle. Et quand on est conscient d'avoir contracté une impureté rituelle, alors il faut, comme le dit le texte du Lévitique, se purifier dans l'eau. Celui qui aura conscience d'une telle impureté lavera son corps dans l'eau et sera impur jusqu'au soir. Et cette prescription « lavera son corps dans l'eau » a été interprétée par les rabbins comme une immersion, se plonger dans l'eau. Et dès le retour de l'exil, dans la plupart des synagogues, on voit apparaître ce qu'on appelle des mikvés, c'est-à-dire des bassins remplis d'eau, qui servent justement aux purifications. Dans quel cas convient-il de se purifier? Finalement, la purification, c'est tout ce qui touche au domaine de la mort. La mort est, pour la Bible, l'impureté ultime. Tout ce qui touche à la mort, ou tout ce qui est susceptible d'attirer la mort, de provoquer la mort, provoque l'impureté rituelle. Par exemple, des soldats qui reviennent du combat, où ils ont tué des hommes, ils ont versé du sang, sont impurs. Et ils doivent donc se purifier pour pouvoir entrer dans la présence de Dieu. Si l'on a touché un cadavre d'homme ou d'animal, même par inadvertance, on devient impur et il convient de se purifier. Bien entendu, ceux qui sont en deuil et qui ont dû réaliser des rites d'ensevelissement d'un de leurs proches sont également impurs. Maintenant, est impur aussi, sont impures des maladies qui sont susceptibles de conduire à la mort. La plus importante étant la lèpre. La lèpre, on n'est pas sûr d'ailleurs que ce soit la lèpre telle qu'on l'entend aujourd'hui, c'est-à-dire ce qu'on appelle en médecine la maladie de Hansen. Bon, il semblerait qu'il s'agisse plutôt d'une maladie de peau qui aurait à voir avec ce qu'on appelle en médecine la pélagre. Bon, enfin, ce sont des discussions un peu techniques qui dépassent un peu notre propos. Quoi qu'il en soit, donc, ce type de maladie qui provoque une espèce de dégénérescence du vivant. Le vivant est une espèce de mort vivant. Donc il est impur jusqu'à ce qu'il soit purifié de sa lèpre. C'est intéressant de noter qu'il n'est pas question de guérison de la lèpre, mais de purification de la lèpre. Le lépreux est purifié et Jésus purifiera de nombreux lépreux, comme on aura l'occasion de le voir justement dans l'Évangile. Autre type d'impureté rituelle qui concerne la femme cette fois-ci, toutes les émissions de sang. Le sang, c'est la vie. Donc, quand le sang s'échappe, quand il y a une hémorragie, ça risque d'entraîner la mort. Donc, une femme qui a ses règles, une femme qui vient d'accoucher, est impure. Et doit donc se purifier pour pouvoir ensuite entrer à nouveau dans la présence de Dieu. Donc, nous voyons, c'est tout ce qui concerne ces prescriptions sont en réalité des choses qui n'ont rien à voir avec le péché. Les pharisiens avaient développé d'une manière très intense ces rites de purification et donc de ce qu'on appelle les baptêmes. Vous retrouverez cette expression dans l'Épître aux Hébreux où il est question de la doctrine des baptêmes. Ce type de rituel était aussi très développé à Qumran. Qumran, où on vivait dans un souci de hyper pureté, et dans le site de Qumran que certains d'entre vous ont certainement visité, vous avez pu constater qu'il y a de très nombreux mikvés qui étaient destinés justement à ces purifications-là. Néanmoins, à Qumran, il y avait une idéologie du baptême un peu différente de celle des pharisiens. Pour les pharisiens, nous l'avons vu, le baptême était tout simplement les baptêmes. On se plongeait soi-même, on n'était pas baptisé par quelqu'un, on se plongeait, et encore aujourd'hui ça se passe comme ça. Dans toutes les synagogues modernes, il y a des mikvés aussi pour les raisons que j'ai évoquées tout à l'heure, et chacun se plonge, donc s'immerge lui-même. Les gens de Qumran avaient une autre idéologie que celle des pharisiens. Ils estimaient que non seulement le type d'impureté que j'évoquais tout à l'heure, les différents types d'impureté, tout ce qui touche à la mort, etc., souille le corps, mais que ce n'est pas seulement des impuretés rituelles qui rendent impur l'individu, c'est aussi le péché. Et ça, c'est en cela qu'il différait des pharisiens. Le péché souille le corps. Et avant que le corps ne soit lavé dans l'eau, ne soit immergé dans l'eau, il faut que le péché ait été ôté par la repentance. Le péché ait été ôté de l'âme par la repentance. Et en cela, Jean-Baptiste était plus proche des Esséniens qu'il ne l'était des pharisiens. Mais là où Jean différait radicalement des Esséniens, c'est le fait que son appel à la repentance s'adressait à tous. Tout Israël était invité à se repentir, les justes et les injustes. Et je dirais, en priorité, les publicains les prostituées, les péagers, les gens de mauvaise vie, ça veut dire tous ceux qui étaient considérés, notamment par les Éphésiens, les Esséniens, comme des exclus de la communauté d'Israël. Et ces gens-là, donc, étaient baptisés par Jean sur la confession de leurs péchés. Or, imaginez qu'un péager, qu'une prostituée, qu'un malfaiteur quelconque puisse être pardonné, puisse être réintégré dans la communauté d'Israël et avoir part au salut eschatologique, pour un Essénien, pour les Esséniens, c'était tout simplement impensable. Et c'est pourquoi on est sûr aujourd'hui que Jean-Baptiste n'était pas un Essénien. On l'a prétendu dans les premières années qui ont suivi les découvertes de Qumran. Aujourd'hui, plus aucun exégète sérieux ne fait de Jean-Baptiste un Essénien à cause justement de cette différence fondamentale qu'il y avait entre Jean et les Esséniens. Maintenant, ce qui faisait le succès de Jean-Baptiste, c'était qu'il prêchait, il prêchait le baptême, il baptisait dans le désert et dans le Jourdain. Alors ça, c'est très intéressant. Pourquoi le désert d'abord? Eh bien, parce que les prophètes avaient une idéologie qu'on retrouve dans toute la Bible, et notamment dans tout le Nouveau Testament, et surtout dans l'Évangile de Matthieu. C'est le thème du second exode. La foi d'Israël repose sur deux certitudes. Dieu a autrefois libéré son peuple du pays d'Égypte, ce qui est l'acte fondateur du peuple d'Israël et qui est le grand fait, au fait de Dieu, la grande geste de Dieu que l'on célèbre tous les jours. Et dans toutes les circonstances de la vie, on ne cessera jamais de remercier Dieu d'avoir libéré nos pères du pays d'Égypte. Mais avec cette certitude, que si Dieu l'a fait dans le passé, il le fera dans l'avenir. Au temps de la fin, il y aura un deuxième exode. Et tous les prophètes ont annoncé cela. Je pense par exemple au prophète Osée, qui présente Israël sous l'image d'une épouse infidèle, et il dit, attends, c'est pourquoi je vais l'attirer au désert et parler à son cœur. Donc, pour qu'il y ait repentance d'Israël infidèle, pour qu'il y ait retour à Dieu, il faut que Israël, actuellement, revive ce que ses pères ont vécu au commencement. Ça veut dire qu'il retourne au désert. Le désert, chez les prophètes, est considéré comme le temps des relations idéales entre Israël et son Dieu. Le temps des fiançailles. Et vous retrouvez ça, par exemple, chez Jérémie. Je me souviens, chapitre 2 de Jérémie, je me souviens de ton amour pour moi quand tu m'étais fiancé au désert et que tu me suivais dans une terre inculte. Comme l'a annoncé le prophète Osée, au temps de la fin, Dieu appellera à nouveau son peuple au désert. Et il se fiancera avec lui à nouveau, jusqu'au moment où il conclura avec lui une nouvelle alliance, comme celle qui a été conclue au Sinaï, et autrement dit, qui sera un nouveau mariage. Dieu va réépouser ce peuple, dont d'une certaine manière il a divorcé en le condamnant à l'exil. L'exil, c'est en quelque sorte la répudiation d'Israël, qui va être réépousée par Dieu au temps de la fin. C'est aussi la raison pour laquelle les Esséniens étaient partis au désert. Parce qu'ils étaient le véritable Israël. Et par conséquent, comme l'avait annoncé le prophète Ésaïe, chapitre 40, ils allaient au désert pour préparer les chemins du Seigneur, pour préparer ce deuxième exode, et ils se nommaient entre eux la communauté de la nouvelle alliance, parce qu'ils attendaient justement ce deuxième mariage du peuple d'Israël, de Dieu avec le peuple d'Israël. Jean avait un peu la même idéologie sur ce point-là, et notamment, il appelait le peuple d'Israël à sortir au désert. Lui qui était prêtre, il avait abandonné le temple de Jérusalem. Alors là aussi, pour quelle raison? On sait que les Esséniens aussi avaient abandonné le culte du temple, bien que aussi étaient d'origine sacerdotale, comme Jean était d'une famille de prêtres, comme on le sait. Mais Jean semble avoir rompu avec le temple, comme les Esséniens aussi avaient rompu avec le temple. Pourquoi? Parce que les Esséniens considéraient que la prêtrise qui officiait, la grande prêtrise notamment, qui officiait dans le temple, était une prêtrise qui était corrompue, qui n'était pas la prêtrise légitime et celle que le Seigneur avait prévue, parce que la plupart d'entre eux étaient descendants des Asmonéens, qui étaient une famille de prêtres, mais une famille de prêtres subalternes, qui n'était pas une famille aaronide. Et le début de la secte de Qumran et la rupture qui va avoir lieu un jour de Kippour entre ce que les textes de Qumran appellent le prêtre impie, qui n'est pas nommé, mais on pense que c'est vraisemblablement le premier grand prêtre de la dynastie des Asmodéens, c'est-à-dire Jonathan l'Asmodéen, et le maître de justice, qui lui était par contre de la descendance d'Aaron, et qui s'était présenté le jour du Kippour pour offrir le sacrifice du jour, en tant que grand prêtre qu'il était et qu'il revendiquait, et il a été chassé par le prêtre impie. À partir de ce moment-là, les disciples du maître de justice, c'est-à-dire les Esséniens, ont rompu avec le temple. Mais ça ne veut pas dire pour autant que tout espoir pour eux de voir le temple reconstruit était vain. Ils s'attendaient effectivement qu'au temps de la fin, lors de la venue des messies d'Aaron, donc le véritable prêtre descendant du maître de justice, et le messie davidique, rétablissent également le vrai culte et reconstruisent un nouveau temple. Et pendant la guerre des six jours, on a découvert dans une vieille boîte à chaussures abandonnée par un arabe de la vieille ville de Jérusalem, un des plus importants rouleaux de la mer morte, qu'on a appelé le rouleau du temple, parce qu'il décrit justement le nouveau temple tel que le rêvaient les Esséniens. Donc, reconstruction du temple au temps de la fin, et en attendant, il constituait un temple spirituel, idéologique, que l'on retrouvera dans le Nouveau Testament aussi, fait de pierres vivantes. On trouve aussi des commentaires sur le chapitre 54 d'Ésaïe, « Malheureuse, battue par la tempête que nul ne console ». Tout est cité, tes murailles seront construites avec des hommes, tes fils qui seront disciples de l'Éternel. Donc, à partir de là, il y avait cette idée que la communauté de Qumran, en attendant la réalisation de ses espérances et la reconstruction du nouveau temple, était un temple spirituel qui offrait des offrandes spirituelles, essentiellement des prières et des chants qui étaient offerts ainsi à l'Éternel. Jean-Baptiste, lui aussi, donc, quitte Jérusalem. Est-ce qu'il considérait le temple comme souillé? Pas forcément, mais dans la mesure où il était le prophète eschatologique et il se considérait comme tel, bien que se considérant comme le dernier, pas digne de dédier la courroie des pieds du Messie, il appelait le peuple à sortir au désert, comme leur père était allé au désert, pour y retrouver la présence de Dieu. Et c'est dans le Jourdain qu'il est baptisé. Le Jourdain, fleuve aussi sacré, fleuve important, qui avait été traversé à pied sec par les Israélites quand ils étaient rentrés dans la terre promise. Et là aussi, dire que les gens étaient baptisés dans le Jourdain, ça veut dire qu'ils revivaient l'épopée de leur père, c'est-à-dire le second exode. En étant baptisés dans le Jourdain, c'est comme lorsque les pères ont passé le Jourdain à pied sec pour entrer justement dans la terre promise. Et le baptême de Jean avait ceci de très particulier, et il différait en cela et du baptême des Esséniens et du baptême des pharisiens, c'est qu'il était administré une fois pour toutes. Et il était administré, on ne se baptisait pas soi-même, on était baptisé par Jean, qui avait justement ce surnom qui lui avait été donné à Matbil, littéralement l'immergeur, Jean l'immergeur. Et ce baptême qui n'était administré par Jean que sur la confession des péchés de celui qui venait pour être baptisé, donc selon l'idéologie essénienne qu'il fallait d'abord avoir confessé et purifié son corps du péché par la repentance, et à ce moment-là on pouvait donc être baptisé. Et qu'est-ce que signifiait ce rite du baptême pour Jean et pour ceux qui venaient être baptisés pour lui? Ça veut dire que celui qui était baptisé était mis à part, scellé pour cette époque messianique qui était imminente. Ça veut dire qu'il y avait ce jugement eschatologique que Jean annonçait. Il a son van à la main, il nettoiera son air, il engrangera le blé dans les greniers, mais il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint pas. Et par conséquent, le fait d'être baptisé, eh bien, mettait en quelque sorte à part celui qui était baptisé pour qu'il échappe au jugement eschatologique. Dans le livre de Daniel, il est question de ce jugement ultime, dans le chapitre 7 en particulier, qui a inspiré Jean-Baptiste, où on voit le tribunal céleste et donc une sentence de mort qui est prononcée contre la quatrième bête de Daniel. Et notamment, devant le trône du juge suprême, qui est Dieu bien sûr, il y a un fleuve de feu qui coule. Et qui évidemment va être ce fleuve de feu qui va engloutir les méchants. Cette idée d'un déluge de feu, d'un fleuve de feu, on la retrouve dans le judaïsme de cette période-là. De la même manière que le monde ancien a péri par l'eau, lors de la venue du Messie, qui sera le juge eschatologique, le fils de l'homme de Daniel, qui est notamment décrit longuement dans les livres d'Enoch. L'expression fils de l'homme n'a rien à voir avec l'humanité de Jésus, mais avec le personnage de Daniel qui apparaît au chapitre 7, c'est-à-dire le juge des derniers jours. Et ce dernier, donc, répandra ce fleuve de feu sur la terre. Ce fleuve de feu qui manifestera le jugement ultime de Dieu, qui sera un déluge de feu, comme l'ancien monde a été jugé par l'eau du déluge. Mais de la même manière que Noé et sa famille ont échappé à cette catastrophe, les justes échapperont aussi à ce déluge de feu. Et Jean annonce, donc, il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint pas. Et ce faisant, évidemment, c'est à cette tradition du fleuve de feu qui coule du trône de Dieu qu'il fait allusion. Les sources rabbiniques nous disent une chose intéressante au sujet de ce fleuve de feu. C'est que ce fleuve de feu, il engloutira les méchants et il consumera les méchants. Mais pour les justes, il les purifiera de tout péché. Il ne les consumera pas, il ne les brûlera pas, mais il brûlera la mauvaise tendance, on appelle en hébreu ça Yotzer Hara'a, qui est en eux. Et les justes seront encore plus purifiés par cette effusion du feu qui est considéré aussi comme le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est un feu. Lorsqu'il est question de ce baptême de feu, donc il vous baptisera, il a son van à la main, moi je vous baptise dans l'eau pour vous amener à la repentance. Mais celui qui vient après moi, qui est plus puissant que moi, lui vous baptisera dans le Saint-Esprit et dans le feu. C'est les questions des justes. Ça veut dire qu'en face de cet événement imminent, de ce jugement imminent, voyez-vous, Jean-Baptiste croyait que le jugement dernier était imminent. Et en cela, justement, il va se séparer de Jésus. Jésus lui montrera, on aura l'occasion d'y revenir, que ce jugement ne va pas venir aussi vite que Jean ne le pensait. Mais pour Jean, il annonce l'imminence de ce jugement. et pour échapper à ce jugement à venir, eh bien, quand on est baptisé, on est déjà purifié du péché par la repentance et scellé, mis à part pour cette nouvelle intervention du Seigneur, quand le fleuve de feu débordera, eh bien, il ne te consumera pas, mais il consumera simplement le péché qui est en toi. Et quand le Messie apparaîtra, tu pourras te présenter devant lui d'une manière encore plus pure que tu n'es après avoir été baptisé dans l'eau par Jean-Baptiste. Ça, c'est quelque chose qui est très important. Ensuite, évidemment, dans le livre des Actes, l'expression baptême dans Saint-Esprit est un petit peu différente, a un sens un petit peu différent, mais dans le contexte que Jean lui donne, c'est plutôt cet aspect-là. Donc c'est une mise à part, et finalement le baptême chrétien qui découle du baptême de Jean a aussi une signification qui est proche. Et notamment dans l'Épître aux Romains, au chapitre 6, Paul dira ceci: « Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés, c'est dans la mort de Jésus que nous avons été baptisés, pour devenir une seule plante avec lui, pour devenir une même plante aussi avec lui dans la résurrection. » Donc le baptême de Jean scellé pour la rédemption, et la résurrection faisait partie de la rédemption bien sûr, de la rédemption messianique, et chez Paul nous retrouvons la même idée, celui qui est baptisé et son corps en quelque sorte, son corps mortel, est mis à part pour la résurrection au dernier jour, quand la rédemption viendra. Le ministère de Jean. Et donc, nous voyons Jésus, qui, âgé, comme dira Luc, d'environ 30 ans, vient vers Jean pour être baptisé. Alors, chose étonnante, surprenante, pour Jean lui-même, qui dit que c'est lui qui aurait besoin d'être baptisé par Jésus. Et finalement, Jésus exige de Jean qu'il soit baptisé. Pourquoi ? Parce que justement, là commence son ministère de rédempteur. Jean, l'apôtre cette fois-ci, qui a écrit l'évangile de Jean, nous en donnera une compréhension plus profonde quand il nous dit que quand il le voit venir, Jean-Baptiste déclare « Voici l'agneau de Dieu, littéralement, qui porte le péché du monde. » Chez Jean, il y a deux événements qui sont, deux fêtes qui sont extrêmement importantes pour lui. Un, la fête de Pâques, et deux, la fête de Kippour. Deux fêtes qui sont situées, disons, aux deux extrémités de l'année. La fête de Pâques, le 14e jour du premier mois, la fête de Kippour, le 15e jour du 7e mois, donc à la moitié de l'année. Et chez Jean, dans toute la littérature joannique, que ce soit dans les évangiles, les épîtres et surtout l'Apocalypse, ces deux fêtes se retrouvent. Donc, voici l'agneau de Dieu. Évidemment, l'agneau de Dieu, c'est une allusion à l'agneau de Pâques. D'ailleurs, Jean, l'évangéliste, nous dit que c'est 8 jours avant la fête de Pâques que Jésus a été baptisé par Jean. Il est le seul à nous donner ce détail. Donc, 8 jours après, il y a une fête des Juifs, et c'est là que Jésus chasse les marchands du temple. Donc, Jésus a été baptisé au temps de Pâques, et ce faisant, il est désigné comme l'agneau de Dieu. L'agneau de Dieu, qui devait être mis à part pendant 3 jours avant d'être sacrifié, et de la même manière, il y a l'équation que nous allons retrouver tout à l'heure, d'ailleurs, quand nous allons parler de Jésus au désert, un jour égale un an. Donc, l'agneau de Pâques était sanctifié, était mis à part pendant 3 jours, Jésus, l'agneau de Dieu, est mis à part pendant 3 ans. Le ministère de Jésus va durer 3 ans égale un jour. Donc c'est une manière de nous dire, Jésus est véritablement l'agneau de Dieu, l'agneau de Pâques. Mais il est aussi celui qui porte le péché du monde. Or, nulle part il nous est dit que l'agneau de Pâques portait le péché d'Israël. Par contre, il nous est dit d'un autre animal qu'il portait le péché d'Israël, c'était le bouc émissaire, le bouc de Kippour. Et ça, c'est l'expression. Donc, le bouc de Kippour était l'animal sur lequel on imposait les mains en confessant les péchés d'Israël. Le fait d'imposer les mains indique une transmission. Donc, on transmettait le péché d'Israël au bouc, et ce bouc ensuite était chassé au désert pour Azazel, pour le prince des démons qui habite le désert. Ça veut dire le péché retourné à sa source, retour à l'envoyeur, il retourne à celui qui crée le péché, qui est le tentateur et qui habite justement les déserts. Jésus est désigné comme celui qui porte le péché du monde, ça veut dire exactement aussi comme le bouc de Kippour. Donc ici, la fête de Pâques et la fête de Kippour se retrouvent. Maintenant aussi, ce qui est intéressant, il nous est dit que lorsque Jésus sort de l'eau, le ciel s'ouvre et le Saint-Esprit descend sur lui sous la forme d'une colombe et une voix se fait entendre, une bat kol, comme on dit en hébreu, littéralement une fille de voix. Et cet événement est très intéressant et très important parce que nous avons vu que depuis l'époque de Malachie, le dernier des prophètes, le ciel avait été fermé et le Saint-Esprit avait été retiré au ciel, mais on attendait que au temps de la fin, juste avant la venue du Messie, le ciel soit déchiré et le Saint-Esprit redescende. Et là donc Jean voit le Saint-Esprit descendre, le ciel s'ouvrir et le Saint-Esprit descendre, et une bat-kol, une fille de voix littéralement, fait entendre cette parole, « Tu es mon fils bien-aimé », donc citation d'un psaume, « Tu es mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection ». Donc, psaume 110, « Tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui ». Et donc ici, c'est une désignation divine de la messianité de Jésus. Jésus sait maintenant d'une manière certaine qu'il est le Messie annoncé. Et donc la scène du Jourdain est très importante à cause de cela. Non seulement il se charge du péché du monde, mais en même temps il est le Messie tel que le Seigneur l'a promis et le Fils de Dieu. Cette affirmation de la filiation divine lui est maintenant une certitude pour lui. Et ensuite il nous est dit, et je reviens sur le texte que nous avons lu tout à l'heure, qu'à ce moment-là, Jésus fut jeté au désert par le Saint-Esprit, ce Saint-Esprit qu'il avait reçu à son baptême, et ce Saint-Esprit qui l'avait rempli. Il est poussé au désert, jeté au désert, pour y être tenté par le diable. Et là, nous retrouvons, bien sûr, le rituel du Kippour que nous avons évoqué tout à l'heure. Quand le bouc avait été chargé des péchés d'Israël par le rite de l'imposition des mains, il était chassé au désert pour aller vers le diable, vers Azazel. Et Jésus, le véritable bouc émissaire, lui aussi est poussé au désert. Et voyez-vous, il y a tout un symbolisme avec des harmoniques. Donc Jésus est à la fois ce bouc émissaire qui rencontre le diable, mais aussi, ce n'est pas seulement en tant que bouc émissaire qu'il va rencontrer le diable, c'est aussi justement en tant que fils de Dieu. Ce fils de Dieu, qui, disons, cette qualité de fils de Dieu, qui vient de lui être rappelée par la voix qui s'est fait entendre à son baptême. Et ce faisant, Jésus pénètre dans le désert, qui est le domaine démoniaque par excellence. Le désert, c'est l'habitation de Satan, comme la mer d'ailleurs. Le bouc est emmené à Azazel, nous l'avons vu, mais il nous est dit dans Deutéronome que le désert est le lieu où habite la vipère et le dragon volant, donc serpent qui est l'image de Satan, les endroits des serpents. Jésus dira plus tard que quand un démon a été chassé d'un homme, il va au désert pour y trouver du repos. Il va au désert parce que c'est son lieu, c'est là qu'il habite. Donc aller au désert, c'est rencontrer Satan. Et Jésus donc va au désert, poussé par l'Esprit et en même temps délibérément. Ça veut dire qu'en tant que fils de Dieu, rempli de la puissance du Saint-Esprit, il envahit le domaine de Satan. Il provoque Satan sur son propre terrain. Et donc, là, il va y avoir cette première confrontation, qui est une confrontation décisive. Parce que, justement, va se produire ici un phénomène que Jésus définira plus tard dans une petite parabole, le prince de ce monde, l'homme fort ailé. Jésus, en envahissant le domaine de Satan dans le désert, et en triomphant des tentations humaines face auxquelles tous les hommes, vous et moi y compris, nous avons tous échoué, Jésus lie la puissance de Satan. Il lie l'homme fort. Et à son retour du désert, il va pouvoir libérer les victimes de cet homme fort qui a été lié, le puissant d'Ésaïe 53. Cette expression de l'homme fort, le puissant, on la retrouve dans Ésaïe 53. C'est pourquoi il partagera le butin du puissant, nous est-il dit dans Ésaïe 53, après que le serviteur ait offert sa vie pour le péché. Et donc déjà Jésus, en prenant à son baptême, il accepte la mort. Le baptême, c'est déjà l'acceptation de la mort. Jésus porte le péché du monde jusqu'à la croix. Et déjà dans l'ombre du baptême se profile la croix. Donc déjà, Jésus a accepté la croix et ce faisant, c'est un acte décisif aussi par lequel il va lier l'homme fort. Et donc, les miracles vont pouvoir se produire, toutes les victimes de Satan, les malades, les lépreux, les paralytiques, etc., tous ces gens-là, les lépreux, les pécheurs vont être pardonnés, les morts ressuscitent, etc., toutes choses que nous rencontrerons à nouveau quand nous parlerons aussi, encore à nouveau, des relations entre Jésus et Jean-Baptiste. Et cette scène du désert est absolument essentielle pour comprendre justement le ministère de Jésus. Maintenant, il y a une autre harmonie aussi qu'on trouve. Donc Jésus va au désert, un, en tant que bouc émissaire de Kippour, deux, en tant que fils de Dieu qui vient provoquer Satan sur son terrain et lier l'homme fort, et troisièmement, aussi, en tant que représentant du peuple d'Israël. Nous avons vu que, selon le message des prophètes, il doit y avoir un deuxième exode au temps de la fin. Israël doit revenir au désert. Et nous avons déjà rencontré cette assimilation dans l'évangile de l'enfance, cette assimilation que fait Matthieu avec Israël. Jésus revit l'histoire d'Israël. Il revit ce second exode. Et notamment, lorsque, à la suite du décret d'Hérode de massacrer tous les enfants de Bethléem, Jésus redescend en Égypte, comme l'avait fait le peuple d'Israël, et ensuite il en remonte, comme avait fait le peuple d'Israël aussi au moment de l'Exode, selon ce qui est écrit dans le livre du prophète Osée, « J'ai appelé mon fils hors d'Égypte ». Et là donc il y a cette assimilation qui est faite entre Israël, qui est le fils aîné de Dieu, comme Moïse le dira au Pharaon, « Israël est mon fils, mon premier-né, laisse aller mon fils afin qu'il me serve. Si tu ne le fais pas, je te prendrai ton fils, ton unique. » Ce qui se passe. Israël, évidemment, est fils de Dieu au sens symbolique du terme. Jésus est fils de Dieu au sens plein du terme. Et cette filiation divine vient de lui être rappelée justement ici à son baptême. « Tu es le fils de Dieu, tu es mon fils. » Mais, disons, pour Matthieu, dire que Jésus est fils de Dieu en même temps que Israël est fils de Dieu, c'est dire en quelque sorte, Jésus est le véritable Israël. Et pour les prophètes, il y a le peuple d'Israël dans son ensemble. Et puis il y a un reste d'Israël, qui, comme le dira l'apôtre Paul dans l'Épître aux Romains, est le véritable Israël. Et puis, du sein de ce reste, il y a un individu qui donne à l'histoire d'Israël tout son sens, qui revit toute l'histoire d'Israël, c'est le Messie. C'est une pyramide, si vous voulez. Il y a la grande base de la pyramide, qui est tout le peuple. Il y a un état intermédiaire qui est le reste du peuple, le reste fidèle, ce reste qu'on trouve déjà à l'époque d'Élie, 7000 qui n'ont pas plié les genoux devant Baal, et puis il y a la pointe de la pyramide qui est le Messie, le véritable Israël, celui qui donne son sens et sa signification à toute l'histoire et à toute la vocation du peuple d'Israël. Jésus incarne et amène à sa perfection la vocation du peuple d'Israël et l'histoire du peuple d'Israël, la vocation du peuple d'Israël d'être l'instrument du salut de Dieu pour toutes les nations. Il est le véritable d'Israël. Et ce faisant, il va revivre toute l'histoire d'Israël. Il a revécu l'histoire de l'Exode, nous l'avons vu en tant qu'enfant, quand il est descendu en Égypte, puis remonté d'Égypte. Et puis maintenant, il va retourner au désert, comme Israël est allé au désert. Et là, il va rester dans le désert 40 jours. Nous retrouvons l'équation que nous avons vue tout à l'heure, un jour égale un an. Israël a vécu, a passé 40 ans au désert, et bien de la même manière, Jésus, le véritable Israël, va passer 40 jours au désert. Il revit l'histoire de son peuple. Et dans le désert, que s'est-il passé? Le livre du Deutéronome nous le dit. Il t'a conduit dans ce grand et affreux désert pour t'humilier et te tenter pour voir si tu garderais ou non les commandements de Dieu. Donc le désert, pour le peuple d'Israël, a été l'endroit de l'épreuve et de la tentation. Et pour Jésus, le véritable Israël, le désert va être aussi le lieu de l'épreuve et de la tentation. Et là, il va y avoir trois tentations. Bon, il nous est dit qu'il a été tenté de mille manières, mais essentiellement, les évangiles évoquent trois tentations. Trois tentations qui rappellent aussi l'essentiel des tentations que le peuple d'Israël a connues dans le désert. Et l'apôtre Jean, notamment, dans ses épîtres, évoque la tentation. Il nous dit que chacun est tenté quand il est amorcé par sa propre convoitise, et que finalement, il évoque trois registres sur lesquels le tentateur agit. Trois registres auxquels peuvent se ramener toutes les tentations auxquelles nous pouvons être soumis. La tentative des yeux, la convoitise des yeux, la convoitise de la chair et l'orgueil. Trois registres. Il est intéressant de noter que ces trois tentations-là, on les retrouve déjà dans le jardin d'Éden. Dans le jardin d'Éden, qui est un environnement beaucoup plus agréable que le désert. Et là, nous retrouvons une autre harmonique aussi de ce récit des tentations de Jésus. Non seulement Jésus est le bouc émissaire, non seulement il est le Fils de Dieu qui a envahi le royaume de Satan, non seulement il est le véritable Israël, mais il est également le second Adam. Et il va revivre ce que le premier Adam a vécu dans le jardin d'Éden, les mêmes tentations, le même type de tentation. Seulement, dans un environnement beaucoup plus difficile. Ça veut dire que Adam avait tout pour refuser les tentations qui lui ont été offertes. Pourquoi? Parce qu'il était dans un jardin magnifique et qu'il avait à sa disposition tous les arbres qu'il est les plus excellents qu'il pouvait souhaiter. Qu'avait-il besoin d'un arbre supplémentaire? C'était vraiment stupide. Mais dans le désert, il n'y a pas d'arbre. Et Jésus a faim. Et la première tentation, c'est, alors là on traduit par « si tu es le Fils de Dieu ». C'est-à-dire que la traduction laisserait entendre que le diable met en doute le fait que Jésus soit le Fils de Dieu. Mais si vous retraduisez cette expression en hébreu, ça veut dire « qui ben Elohim ata » Ça veut dire, puisque tu es le Fils de Dieu. Ça veut dire, Satan ne met pas en cause le fait que Jésus soit le Fils de Dieu. Cette filiation, elle vient d'être affirmée par la voix qui s'est fait entendre au Jourdain. Et donc, puisque tu es le Fils de Dieu, tu as tous les pouvoirs entre tes mains. Ordonne que ces pierres deviennent du pain, convoitise de la chair. Et là où le premier Adam a lamentablement échoué, le deuxième Adam, lui, va réussir. Et voyez-vous, pour le diable, c'était un moment décisif. Parce que s'il avait pu rééditer avec Jésus ce qu'il avait réalisé avec Adam dans le jardin d'Éden, eh bien, là, il tenait le bon bout, il tenait la victoire. Donc, ici, ces trois tentations du désert sont un moment décisif de l'histoire de Jésus. Ensuite, le diable l'emmène sur une haute montagne et lui montre tous les royaumes de la terre et lui dit, puisque tu es le Fils de Dieu, eh bien, je te donne à condition que tu te prosternes devant moi, convoitise des yeux. Et puis enfin, jette-toi du haut du temple, que tout le monde sache que tu es le Messie, que tu es le Fils de Dieu. Orgueil. Donc les trois registres, convoitise des yeux, convoitise de la chair et orgueil. Et vous retrouvez ces trois tentations dans le jardin d'Éden. Ève vit que le fruit était bon. Elle vit, convoitise des yeux. Qu'il était bon pour ouvrir l'intelligence, convoitise de la chair. Et vous serez comme Dieu, connaissant le bien et le mal, orgueil. Donc nous retrouvons les trois registres sur lesquels agissent toute tentation. Et là, justement, contrairement à ce qui s'est passé dans le jardin d'Éden, Jésus met en fuite l'adversaire. Et ce faisant, donc, il nous est dit, le diable le laissa en attendant une autre occasion où il pourrait intervenir. Et c'est quelque chose qui est absolument important parce que l'autre occasion, eh bien, ce sera cette fois-ci dans un jardin, le jardin de Gethsémané, au moment de la passion de Jésus. Et là, il y aura à nouveau trois assauts de l'adversaire dans le jardin d'Éden, dans le jardin de Gethsémané, trois assauts de l'adversaire qui rappelleront aussi ces trois registres sur lesquels justement s'exerce toute la tentation. Et de là, il nous est dit que donc Jésus revient du Jourdain. Il revient du Jourdain et il retraverse le Jourdain après avoir été de l'autre côté. Et puis il y a encore une autre harmonique aussi par rapport à ce texte. C'est l'histoire d'Élie et d'Élisée. Vous vous souvenez comment, avant son enlèvement, Élie donc était parti avec Élisée et il avait retraversé le Jourdain en faisant d'ailleurs des arrêts à chacune des étapes qui avaient été celles de la conquête de Josué. Et Élie nous est représenté ici comme un nouveau Moïse. Jéricho, le Jourdain d'abord, Jéricho, Gilgal, Bethel. Des premières étapes de la conquête. Ça veut dire que Élie et Élisée vont réeffectuer une reconquête spirituelle du pays. Là aussi, nous retrouvons le thème du deuxième Exode. Et donc, il y a ce retour au désert. Et puis, Élie demande à Élisée, que veux-tu que je fasse pour toi avant que je sois enlevé ? Et Élisée répond qu'il y ait sur moi une double part de l'esprit qui est sur toi. Et Élisée demande une chose difficile, mais si tu me vois, au moment où je suis enlevé, cela arrivera, autrement cela n'arrivera pas. Et de fait, Élisée voit Élie monter dans le ciel, il reprend son manteau, et l'esprit qui a été sur Élie est à nouveau sur Élisée, comme le constate ceux qui sont de l'autre côté du Jourdain quand Élisée retraverse le Jourdain. Et voyez-vous, il y a ici une relation particulière entre Jean-Baptiste et Jésus. Et cette relation, elle est de la même nature que la relation qu'il y avait entre Élie et Élisée. Élie est incarné par Jean-Baptiste, et Jésus le rappellera. Si vous voulez savoir, c'est lui, l'Élie, qui devait venir. Donc ici, nous sommes à fond dans ce parallèle entre Élie et Élisée. Les deux agissent auprès du Jourdain. Et là aussi, donc, le ciel s'ouvre et l'Esprit descend sur Jésus. Et il va surpasser l'esprit qu'il y a sur Jean-Baptiste. C'est très intéressant de noter ce parallèle que fera Luc entre Jean-Baptiste et Jésus dans l'Évangile de l'Enfance. Et Luc prendra toujours grand soin de nous préciser que Jésus est supérieur à Jean. Et Jean le rappelle, « Je ne suis pas digne de délier la courroie de ses souliers. » Jean a une part de l'esprit sur lui qui est importante, mais finalement il ne fera aucun miracle, tandis que Jésus va recevoir l'esprit sans mesure. Et quand Jésus est baptisé, Jean va avoir cette parole, bien maintenant, en quelque sorte, mon rôle est fini. Il faut qu'il croisse et que moi je diminue. Donc de la même manière que Élie s'est effacé pour laisser la place à Élisée, de la même manière Jean-Baptiste s'efface pour laisser la place à Jésus, qui intervient comme Élisée était intervenu, c'est-à-dire comme un disciple de Jean. Jésus a été en quelque sorte, il a reconnu en Jean son maître d'une certaine manière, même si ensuite il va le dépasser, comme Élisée avait dépassé Élie, il n'en est pas moins le disciple de Jean. Et il y a cette relation entre Jean et Jésus, comme il y en avait entre Élie et Élisée. Donc voilà, si vous voulez, très rapidement, on a passé un bon bout de temps déjà sur relation entre, ce qui concerne le baptême de Jésus, et donc ensuite, Jésus revient, dans la puissance du Saint-Esprit, nous est-il dit, comme Élisée était revenu dans la puissance du Saint-Esprit. Et de la même manière que Élisée avait accompli le programme qui avait été indiqué à Élie par le Seigneur quand il était retourné à Horeb, ça veut dire d'effectuer une reconquête spirituelle du pays, et ça c'est lui, Élie ne le réalisera pas plus que Moïse ne l'a fait, mais son successeur, Élisée, est celui qui va effectuer cette reconquête spirituelle du pays d'Israël qui est tombé tout entier dans l'apostasie des Baals à la suite de ce qui s'était passé avec l'infâme Jézabel qui avait fait pécher l'ensemble du peuple d'Israël, en sorte que pratiquement Élie était resté le seul, du moins il le pensait. Donc Jésus revient, et lui aussi, après avoir traversé le Jourdain, comme Israël l'avait fait sous la conduite de Josué, là nous retrouvons à nouveau cette histoire du peuple d'Israël que Jésus revit, eh bien, il va entreprendre une reconquête du pays, une reconquête d'Israël, notamment par les interventions miraculeuses qui sont les siennes. Et ce qui va caractériser le ministère de Jésus, par opposition au ministère de Jean-Baptiste, qui lui n'avait fait aucun miracle, c'est justement les signes et les miracles que Jésus va accomplir. Les signes et les miracles vont se multiplier au fur et à mesure de son ministère. Et contrairement à ce que l'on a souvent longtemps cru, et on croit encore dans certains milieux chrétiens, les miracles de Jésus n'avaient pas pour but d'indiquer sa messianité. Il n'était pas le seul à avoir fait des miracles, les prophètes l'avaient fait aussi, notamment les deux grands prophètes que nous avons évoqués, Élie et Élisée, sans parler de Moïse. Mais étaient les signes de la proximité du royaume de Dieu. Et Jésus donc revient du désert en annonçant la venue du règne de Dieu. Repentez-vous, car le règne de Dieu, car le royaume des cieux est proche. Nous avons l'occasion de revenir sur cette notion du royaume de Dieu, mais finalement, le royaume est ce qui est central dans l'évangile de Matthieu. L'évangile de Matthieu, on l'a appelé l'évangile du royaume, parce que justement, il est tout entier centré sur cette notion du royaume de Dieu. Et un théologien dit avec un certain humour, Jésus annonçait le royaume et c'est l'Église qui est venue. Mais de fait, le royaume est central pour Jean, pour Matthieu. Qu'est-ce que c'est que le royaume ? Bon, d'abord, il en est question la première fois qu'il est question du royaume de Dieu. C'est dans le chapitre 15 du livre de l'Exode. Après, justement, un miracle qui rappelle celui qui vient de se produire quand Jésus a traversé le Jourdain, à savoir la traversée de la mer Rouge. Après la traversée de la mer Rouge, le peuple d'Israël va entonner un cantique qu'on appelle en hébreu le cantique de la mer, qui célèbre cette victoire, ce grand miracle, cette grande délivrance que Dieu vient d'opérer en faveur de son peuple. Et le cantique de la mer qu'on trouve au chapitre 15 du livre de l'Exode se termine de la manière suivante: l'Éternel règnera de génération en génération. Et cette expression l'Éternel règnera est la première fois dans la Bible qu'apparaît cette idée du royaume de Dieu. L'Éternel règnera, ça veut dire la victoire que Dieu vient de remporter sur la mer. La mer, comme le désert, est aussi la demeure des démons, la demeure de Satan, des puissances démoniaques. Il y a des monstres dans la mer. La mer, c'est une réalité hostile. Nous la retrouvons dans l'Évangile quand elle s'acharnera contre le bateau de Jésus. Cette mer qui sera déchaînée et que Jésus va calmer, comme le Seigneur l'avait fait pour la mer Rouge. Eh bien, cette victoire du Seigneur sur la mer réédite ce qui a été au commencement, quand Dieu a séparé la mer d'avec le sec pour que la vie puisse apparaître sur la terre au moment du récit de la création. Et la tradition juive nous dit que en triomphant de la mer, qui était une puissance hostile, une puissance de mort, cette puissance qui recouvrait toute la terre, il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Cette mer qui reviendra sur la terre au moment du déluge pour anéantir toute vie et qui sera aussi vaincue par Dieu quand finalement le sec apparaîtra à la fin du déluge, eh bien Dieu réédite cette victoire qu'il a exercée sur les puissances des ténèbres qui sont manifestées par la mer et qui sont manifestées aussi par l'Égypte. L'Égypte était une puissance démoniaque. C'est un des serpents qui se trouve dans la mer selon Ésaïe 27. Dans ce temps-là, le Seigneur tuera de sa grande épée. N'est-ce pas toi, Seigneur, qui transperça Rahav, le monstre qui était dans la mer au commencement? Donc, Dieu manifeste par la division de la mer, Rouge, la déchirure de la mer Rouge, comme on l'appelle en hébreu, sa puissance, sa souveraineté sur les puissances des ténèbres, sur les puissances de la mort. Il triomphe de la mort. La mer, c'est la mort. Et de la même manière, Jésus donc va triompher aussi de ces puissances des ténèbres. Et il va donc exercer sa souveraineté. Le Seigneur régnera d'éternité en éternité. Les nations qui entendent parler de ce miracle, de la déchirure de la mer, prennent conscience de la puissance de Dieu, de la souveraineté de Dieu. L'Éternel régnera de génération en génération. Et le cantique de la mer évoque justement ces nations qui tremblent à l'ouïe de ce miracle qui s'est produit et qui reconnaissent ainsi la souveraineté de Dieu, donc le règne de Dieu. Le règne de Dieu qui s'étendra au temps de la fin sur toutes les nations, et le miracle de la déchirure de la mer Rouge est une prophétie de ce qui se passera au temps de la fin, quand la mort sera définitivement vaincue, la mer sera définitivement vaincue, dans la nouvelle Jérusalem, sur la nouvelle terre, il n'y a plus de mer, ça veut dire qu'il n'y a plus de mort, et donc toutes les nations se soumettront à la souveraineté de Dieu qu'elles auront reconnue après l'avoir combattue vainement. Donc ici, Jésus annonce le royaume, ça veut dire justement cette apparition de cette réalité au dernier jour, quand le Seigneur règnera d'éternité en éternité. Le royaume s'est approché. Il y a donc ce temps que le peuple d'Israël attend, ça veut dire ce temps du royaume messianique, ce temps qui a été annoncé par les prophètes, un temps où le loup habiterait avec l'agneau, ou etc., etc. Il n'y aurait plus de souffrance, plus d'injustice, etc. Eh bien, ce temps attendu par le peuple d'Israël, ce temps merveilleux, ce temps qui a été aussi annoncé par Jean-Baptiste, et dont le baptême était l'annonce prophétique, eh bien, il est imminent. Ce royaume, il est imminent. Maintenant, comment va-t-il se réaliser? Comment va-t-il se manifester? Ça, c'est une autre affaire. Et ce sera justement le thème des cinq grands discours de Jésus dans l'évangile de Matthieu. Comment le royaume de Dieu vient-il? C'est le thème de l'évangile de Matthieu, l'évangile du royaume. C'est ce royaume qui est imminent. Alors, la prochaine fois, nous verrons le premier des grands discours de Jésus, qui est donc ce qu'on appelle le sermon sur la montagne, et plus particulièrement les béatitudes, sur lesquelles nous consacrerons une séance entière, parce que c'est un thème extrêmement important. Voilà donc ici ce que je voulais dire pour ce soir. Est-ce que vous avez des questions là-dessus? Bonsoir, monsieur Thomas. Bonsoir. Vous avez parlé tout de suite de la brisure, cette cassure de la mer. Une déchirure de la mer, on l'appelle, oui. Est-ce qu'il y a un rapport direct avec le fils de la brèche ou le Tikkun Olam? Non, pas directement. Moi, je n'ai jamais pensé trop à ça, mais non, la brèche qui est faite. Non, je ne vois pas. Peut-être, il faudrait causer plus. Ouais. Là, il faudrait que je réfléchisse un peu. Il pourrait y avoir un rapport. Peut-être. Oui, c'est intéressant comme piste. C'est une piste à laquelle je n'ai jamais pensé. Mais peut-être qu'effectivement, il y a quelque chose. D'accord, merci. Bonsoir. Justement, la notion du royaume, quel est le rapport entre la notion du royaume et celle de l'assemblée, la Keïla et... Ah oui, alors ça, c'est pas, entre les deux. Ah, c'est pas du tout la même chose. Ce sont de réalités entièrement différentes. La Keïla, l'Église, parce qu'en fin de compte, Jésus va montrer, justement, contrairement à Jean-Baptiste, que la pleine manifestation du royaume ne va pas se faire aussi vite que ce que Jean avait imaginé. Et que, finalement, la venue du royaume, j'anticipe un petit peu, ce qu'on aura l'occasion de dire, elle se fait en trois étapes. Les trois étapes qu'on va retrouver, notamment, définies dans les paraboles du royaume, justement, qui se trouvent au chapitre 13 de l'évangile de Matthieu, et plus particulièrement deux paraboles essentielles que sont la parabole du semeur, qui est pratiquement la parabole clé pour comprendre les paraboles de Jésus d'une manière générale, et la parabole du bon grain d'ivraie. Donc trois étapes. Une première étape qui est l'étape des semailles. Donc une étape où la semence est jetée à tout vent, et c'est l'époque de Jésus. C'est le ministère de la première venue de Jésus. Celui qui sème la semence, c'est le Fils de l'homme. Donc c'est le Messie. Or, cette semence, elle ne va pas germer tout de suite. Et il y a un deuxième temps, qui est le temps de la croissance de la semence. Un temps qui est, d'une certaine manière, un temps d'inactivité. Et dans une petite parabole de Marc, qu'on trouve chez Marc, Jésus nous montrera cela. Donc, quand l'agriculteur a semé la semence, il n'a plus qu'à attendre. Il y a un travail souterrain, invisible, qui se crée dans la terre. Et finalement, l'agriculteur n'a pas à s'inquiéter. S'il s'inquiète, ça n'activera pas les choses. Les choses se feront en leur temps. Il y a une maturation que l'on ne peut pas devancer. Il faut attendre que la semence ait germé et que finalement elle arrive au stade, au troisième stade, qui sera le temps de la moisson. Or, pendant ce long temps de germination de la semence, eh bien, il va y avoir un adversaire qui va intervenir et qui va semer de l'ivraie dans le champ. Ça, c'est la deuxième parabole. C'est bien qu'il va y avoir deux mystères, celui des fils du royaume et celui des fils de Bélial, des fils de la destruction. Et les deux réalités, les deux mystères vont croître ensemble. Et ce n'est qu'au temps de la moisson, la troisième étape, c'est-à-dire la deuxième venue de Jésus, que le grand tri sera fait. Ce tri dont avait parlé Jean-Baptiste, disait, il engrangera le blé dans les greniers, mais il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint pas. Et finalement, pendant toute cette période de la maturation, eh bien, il y a ceux qui reçoivent la semence et qui deviennent les fils du royaume. Et les fils du royaume, ça se confond avec l'Église, justement. Hein? C'est finalement cette réalité où ce n'est pas le royaume, mais disons déjà, il y a des gens qui passent du royaume des ténèbres au royaume de la lumière et qui sont en quelque sorte mis à part pour que quand le temps viendra, le temps de la moisson viendra, eh bien, ils puissent participer pleinement à ce royaume qui sera manifesté alors. Et on se trouve devant cette dialectique et ce mystère que justement l'évangile de Matthieu exprime mieux que n'importe que tous les autres évangiles, à savoir de cette dialectique entre le déjà et pas encore. D'une certaine manière, le royaume, il est déjà là. Il est présent dans toute sa plénitude. Et pourtant, il n'est pas encore pleinement manifesté. Et ça, c'est justement aussi ce qui est le propre de l'Église. C'est que l'Église, elle est cette manifestation actuelle d'un royaume déjà présent. Et pourtant, elle annonce le royaume à venir. Elle n'est pas le royaume, elle annonce le royaume à venir. Elle n'est qu'un signe avant-coureur de la venue du royaume. Donc on est dans cette ambivalence-là. Ça rejoint un peu la deuxième question que vous me posez, c'est que ce qu'on appelle l'Église, donc la Keïla, j'ai cru comprendre que ça apparaissait dans le texte biblique au pied du mont Sinaï. Oui. C'est en premier. Alors, est-ce que ça veut dire que cette partie-là, jusqu'à l'arrivée de Jésus, c'est la Keïla qui est déjà là, mais pas encore, et que quand Jésus arrive, c'est un peu ce que Blanco dit dans son livre, on peut le croire. Et c'est que bien. Quand Jésus arrive, les choses deviennent, la Keïla devient beaucoup plus visible, parce que Jésus est passé. Oui, il y a bien sûr une relation. On retrouve ça aussi bien chez Pierre que dans l'Apocalypse. Pierre, vous êtes une nation sainte, un sacerdoce royal, donc allusion à effectivement la théophanie du Sinaï. Vous serez pour moi un royaume de prêtres et une nation sainte. Hein, donc on retrouve ça. Vous êtes ça, vous dit Pierre aujourd'hui. Alors le problème, évidemment, c'est de savoir à qui Pierre s'adresse-t-il dans cette épître-là. Est-ce qu'il s'adresse à des païens ou est-ce qu'il s'adresse à des juifs messianiques? Bon, ça c'est un autre problème. Mais disons, même s'il s'adresse à des juifs messianiques, il est bien évident que les païens sont aussi intéressés par cela. Parce que les païens sont intégrés par la foi en Jésus dans la communauté d'Israël. L'Église, c'est une réalité juive d'abord. Donc, le noyau de l'Église, c'est le reste d'Israël qui a cru, ça, c'est ce que Paul développe longuement dans l'Épître aux Romains, au chapitre 9, 10 et 11. On retrouve ça aussi dans l'Apocalypse, à celui qui nous aime, qui nous a lavé de nos péchés, qui a fait de nous un royaume de prêtres, pour la gloire de Dieu son Père. Donc, on retrouve aussi cette allusion à la théophanie du Sinaï, ce qui n'est pas pour nous étonner, puisque le livre de l'Apocalypse est tout entier bâti sur le thème, autour du thème du deuxième exode que nous avons évoqué. Donc, il est normal qu'on retrouve l'allusion à ce qu'on appelle en hébreu Mahamat Sinaï, c'est-à-dire la station du peuple d'Israël au pied du Sinaï. Et ce faisant, donc, c'est vrai que on peut dire que l'Église, à la fois, c'est-à-dire le rassemblement du reste d'Israël qui a cru et du reste des païens qui a cru, est la matrice du royaume, c'est sûr. Et de fait, elle sera donc, quand le royaume de Dieu apparaîtra, elle sera au centre de ce royaume-là, c'est sûr. Jésus d'ailleurs, il dit que les gens doivent venir dans le royaume de l'Est, de l'Ouest, du Nord, et se joindre à Abraham, Isaac et Jacob. Voilà. C'est les seuls qui sont nommés membres d'ailleurs. Et il cite, Jésus en cela cite le psaume 104, je crois, il est dit « Béni soit l'Éternel qui a rassemblé son peuple du Nord, du Sud, de l'Est et de l'Ouest ». Donc c'est une allusion à ce psaume. Voilà, mais la seule personne qui cite, c'est quand même Abraham, Isaac. Oui, bien sûr. Le peuple d'Israël est au centre. Au centre de cette réalité. Vous avez cité dans la reconquête spirituelle d'Israël par Élysée, trois lieux, je crois le Jourdain, Gilgal et Bethel. Est-ce qu'il y a une image associée à chacun de ces lieux ? Est-ce que c'est simplement... C'est les premiers lieux qui ont été conquis. Le Jourdain, la traversée du Jourdain, Gilgal, ça a été la première station israélite, Jéricho, la première ville qui est tombée, et ensuite Aï-Bethel, c'est deux villes voisines, elles ont été prises en même temps. Donc c'est les premières étapes de la conquête. Oui, tu as dit une chose qui m'a surprise. C'est le fait que Jésus était disciple de Jean. Mais il n'a pas été réellement son disciple. Il me semblait qu'il ne s'était pas rencontré depuis très longtemps. En venant vers Jean-Baptiste pour être baptisé par lui, il reconnaissait l'antériorité de Jean-Baptiste et en quelque sorte, il se plaçait dans une situation où Jean d'ailleurs l'a désigné en quelque sorte comme son successeur. En disant donc voici l'agneau de Dieu, lui vous, etc. Oui, comme son continuateur. L'époux, ensuite il parlera de l'époux, etc. D'accord, oui, c'est pas du tout comparable aux disciples de. Non. Mais disons ces disciples dans le sens d'une filiation. Oui, je voulais simplement demander combien de temps il y a eu entre le retour de Babylone et le temple, la reconstruction d'un temple à Jérusalem. Est-ce que c'est en même tout de suite, puisque Cyrus avait promis de financer justement ce temple, donc est-ce que ça a été fait tout de suite ou est-ce que ça a été long? Allez, la première caravane d'exilés qui est revenue donc était sous la direction de Sheshbazar, puis de Zorobabel, et la première chose qu'ils ont faite en arrivant à Jérusalem, ça a été de rétablir l'autel. Ce n'était pas encore un temple, c'était l'autel. Et il a fallu attendre Zorobabel, justement, pour reconstruire un temple beaucoup plus modeste que celui qui avait été construit par Salomon, mais disons qui était une priorité parce que, justement, le prophète Malachie devait annoncer que le Messie serait manifesté dans le temple. Donc il fallait que le temple existe pour que le Messie puisse venir. Dans l'Apocalypse, il me semble qu'il est question que dans le royaume à venir, il y aura une mère. Non, il n'y a pas de mère. Non, justement. Il dit nettement, il n'y aura pas de mère. Non, la mère n'était plus. Et Apocalypse 21, je vis un nouveau ciel et la mère n'était plus. Non. Alors ça fait beaucoup de peine aux Bretons quand je leur dis ça. Mais voilà. Une mer de cristal, c'est... Ah, une mer du cristal, c'est autre chose. C'est autre chose. Mais la mer du cristal, dans l'Apocalypse, justement, évoque la traversée de la mer Rouge. C'est une allusion à cet événement-là. Bien. Plus de questions ? Bon, on va rester là pour ce soir. Et merci, bravo. Merci. Okay. Merci.